Trouver un riff. Depuis trop longtemps. Un peu de riff. Thank you. chanter là. Thank you. dans le désert depuis trop longtemps. Putain, longtemps. Dans la piste, ça sert toutes les règles un peu truquées. Je tombe tout faire. Yeah. dans la crise, c'est ça. Je rêve un peu truqué, j'ai compris de faire jouer. Délire.